Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des Lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Cette semaine, je vous fais découvrir le roman porno écrit par Carmen Rietz qui s'appelle La salle d'attente et qui est paru dans la collection Les érotiques d'Esparbeck aux éditions Média 1000. C'est un livre qui n'est pas tout récent, puisque à l'époque c'était encore Esparbeck qui était le directeur de la collection. Et vous allez voir qu'il avait le don de trouver des textes particulièrement érotiques. Ce roman, La salle d'attente, c'est l'histoire de Gwendoline, une jeune fille de bonne famille qui vient de décrocher un poste d'éducatrice pour enfants sourds et muets dans un bled à côté de La Rochelle. Sauf que voilà. Gwendoline, un jour, va à La Rochelle chez le dentiste, et depuis la salle d'attente, elle aperçoit dans l'immeuble d'en face une jeune femme en déshabillé de soie qui entr'ouvre les rideaux et qui les referme. Elle est très intriguée, et le dentiste, alors qu'elle a la bouche ouverte, vous savez, quand on se fait un peu triturer, lui apprend que juste en face, il y a le bordel de Madame Olympe, une maison close. Et oui, malgré l'interdiction des maisons closes, à La Rochelle, la maison close de Madame Olympe tourne toujours. En ayant cette information, eh bien, va germer dans l'esprit de Gwendoline l'obscur objet du désir. Elle va avoir très envie de savoir ce que ça fait, ça va la titiller, ça va l'émoustiller jusqu'au jour où elle craque et elle décide d'aller rencontrer Madame Olympe. Je vais vous lire le tout début de ce roman, La salle d'attente. On est au troisième chapitre. Et Gwendoline décide d'aller rencontrer Madame Olympe. Vous allez découvrir ses tout débuts dans le monde si mystérieux de la prostitution volontaire. Voici donc un extrait de La salle d'attente. C'est écrit par Carmen Rietz. C'est paru aux éditions Média 1000 dans la collection Les érotiques d'Esparbeck. Les jours filaient, sans amener rien de neuf. Un dîner suivi de quelques verres en boîte, d'un flirt dans l'appartement de Pierre, m'avait laissé le goût fade d'un plat mangé sans appétit. Je crevais de frustration. Le mercredi suivant, indifférent au temps maussade, je pris le train pour La Rochelle, résolu à rencontrer Olympe. Parti sur une impulsion, j'ai trouvé interminable le trajet d'une demi-heure. Les 500 mètres de macadam parcourus au pas de charge, dans la crainte de voir mon courage se dissoudre. Un vent qui sentait l'iode s'engouffrait à son aise dans la ligne droite de la rue. Désagréablement surprise par la froideur poisseuse du porche, je me suis avancée dans un hall où régnait un calme irréel. Hésitante, je reniflais l'odeur d'un escalier ciré lorsque, jaillissant de sa loge, une concierge à la trogne enflammée m'a soupesée du regard. « Madame Olympe, c'est au troisième » a-t-elle proféré alors que je ne demandais rien. Mécontente de rougir, j'ai manœuvré les grilles d'un vieil ascenseur, sonné à une porte à deux battants, souris à une femme âgée en tablier de finette. « Vous avez rendez-vous? » J'ai attendu 10 minutes dans une sorte de parloir où deux chaises tapissées de velours rouge se regardaient en chien de faïence. Quelques secondes encore, et, fondant dans un sourire, la domestique m'introduisait dans un salon étouffé de meubles, de bibelots et de coussins. Sur le marbre de la cheminée où ronflait un feu de bûche, Cupidon, dans son bel âge, menaçait de sa flèche une lampe à pétrole juponnée comme une poupée de foire. J'hésitais à m'asseoir lorsqu'une porte tapissée du même papier que les murs a livré passage à une femme replète, chaussée d'escarpins vernis. Elle avait dû être très jolie. Sa féminité d'un autre âge dégageait encore un charme puissant. Olympe devait approcher, si elle ne l'avait déjà franchi, du portillon marqué 80, mais un maquillage élaboré protégeait sa date de naissance. D'un geste, elle m'a invité à m'asseoir. Après s'être elle-même disposée dans la bergère qui me faisait face, elle a demandé ce qu'il y avait pour mon service. L'énergie déployée pour franchir ce seuil fantastique me laissait sans voix. Mes balbutiements ont été coupées par l'offre d'un verre de Porto que j'ai accepté avec gratitude. Cigarette, a-t-elle proposé en tendant un coffret dont le bois soyeux s'argentait d'une flaque de lumière. La voix rêche, j'ai murmuré que je n'avais jamais, que ce n'était pas pour l'argent. Éducatrice pour enfants sourds-muets à F, je ne pourrais venir que les mercredis, les samedis et les dimanches. Vous n'avez pas d'explication à me fournir sur les motifs qui vous amènent chez moi. Tout ce que je vous demande, c'est de vous montrer ponctuelle, consciencieuse et bien entendu discrète. Il est regrettable que vous ne puissiez venir le jeudi. Ces jours de grand marché, beaucoup de mareyeurs en profitent pour nous rendre visite. Elle m'a prié d'ôter mes vêtements. En culotte et soutien-gorge, je réalisais la folie de mon entreprise. Quelle sottise d'avoir imaginé qu'un homme accepterait de payer pour moi. Les doigts tremblants, j'ai libéré mes seins. J'aime mieux ça. Votre poitrine est splendide. C'est un capital dont il faudra prendre soin. Mais pourquoi porter ce linge de bonne sœur? Vous êtes bien faite. Vous possédez un charme très personnel. Votre mère ne vous a donc pas appris à vous mettre en valeur? Dans un murmure coupable, j'ai avoué que maman, agrégée d'histoire, n'était guère féminine. Absorbée par les recherches qu'elle effectuait en vue d'un ouvrage sur le rôle des Anglaises engagées dans l'armée durant la Deuxième Guerre mondiale, il lui arrivait d'aller donner ses cours les cheveux cachés par un foulard, faute d'avoir pris le temps de faire son shampoing. Ah, une victime de plus à porter au compte des dames du MLF, ces flambeuses de soutien-gorge. Comme si les balconnets n'étaient pas les meilleurs amis d'une fille. Je croyais que c'était les diamants. Assurément, mais les premiers sont un bon moyen pour se faire offrir les seconds. Elle a enchaîné. Vos cheveux sont entre deux tons. Ce n'est pas laid, mais une décoloration partielle vous donnerait de l'éclat. Vos yeux gris sont presque transparents. C'est rare. C'est ravissant. C'est une erreur de ne pas les souligner. Pire, une faute. Il ne faut jamais sous-estimer le pouvoir d'un trait d'eyeliner. Elle s'est dirigée vers un bonheur du jour. Le tablier baissé, elle a rédigé un mot à l'attention de son coiffeur. En replaçant mes vêtements sur ce corps que je voulais vendre et qui venait d'être accepté, j'étais fière d'avoir osé. Mais mon visage était décomposé et je le savais. Elle m'a escortée jusqu'à une porte que je n'aurais pu retrouver sans aide, soufflé l'adresse d'une boutique de lingerie où me présentait de sa part. Vous y serez bien reçue et bien conseillée. Détendez-vous, petite, a-t-elle ajouté une main sur le bouton de cuivre. Je pense que vous ferez l'affaire. Cette entrevue allait changer le cours de ma vie. Mais en dégringolant l'escalier, une seule pensée m'obsédait. Aurais-je assez de cran ou d'inconscience pour mener mon fantasme à son terme? J'ai déjeuné dans un café du Vieux-Port d'un plat de pâtes et d'un coca, avalé au comptoir, dans la cacophonie de l'apéritif de midi. Le coiffeur prôné par Olympe, un homo hystérique qui avait insisté sur le fait qu'il était surbooké, m'avait fixé rendez-vous à 14 heures. Cela laissait peu de temps pour faire les boutiques. Impatiente de me procurer les attributs de mon nouveau métier, je me suis jetée dans la foule, maugréant contre les personnes âgées qui ne se garaient pas assez vite. Le regard d'une femme qui ressemblait à ma grand-mère m'a figée, mais une seconde plus tard, je repartais, éperonnée par une irrépressible montée d'adrénaline. Presque sans réfléchir, j'ai acheté une robe, une jupe, un chemisier et deux paires d'escarpins. La demie de 14 heures sonnait lorsque j'ai poussé la porte du studio 66, hors d'haleine, les bras chargés de sacs dont le papier rigide affichait des noms prestigieux. Rodolphe, la star de la maison, m'a accueilli avec un coup d'œil à sa montre, le soupir excédé de la diva qui n'a pas que ça à faire. En temps ordinaire, j'aurais annoncé des excuses, mais hors de mes gonds, je me suis bornée à hausser les épaules en montrant les paquets. Ça l'a fait rire. Après avoir tripoté mes cheveux, il m'a emballée dans un peignoir, confiée à une jeune femme à l'oreille de qui il a chuchoté des indications mystérieuses. C'est fou ce qu'un peu de crème décolorante et quelques coups de ciseaux bien placés sont capables de faire. À la vue de ma nouvelle crinière, lissée et largement méchée de miel, je n'ai pas caché ma jubilation. Derrière moi, l'artiste souriait modestement dans le miroir. Évidemment, tout ça n'était pas bon marché. Entre la coupe, la décoloration, les vêtements et les petits dessous affriolants, mes économies avaient subi un dégraissage en règle. Je n'avais pas de regrets. Si j'en avais eu, les regards qui m'ont escorté jusqu'à la gare les auraient dissous dans le vent du soir. 10 jours plus tard, je faisais mes débuts au salon du choix, la pièce où, traditionnellement, les filles étaient soumises à l'approbation de la clientèle. Appuyée au dossier du canapé où Monsieur Antoine se renversait en tirant de petites bouffées de son Monte-Cristo, Olympe a susurré en caressant ses perles. Voici la nouvelle dont je vous ai parlé. Avance, petite, n'aie pas peur. Dans ma robe neuve, j'étais sans peur, mais follement émue par le contact des jarretelles, celui des bas auxquels je n'étais pas habituée. Reculée sous des sourcils en buisson, de petits yeux égrillards m'ont détaillée avec la circonspection d'un maquignon difficile à refaire. Charmante, a-t-il fini par lâcher dans un sourire. Jolie minois, belles jambes. Quant au sein, si son décolleté tient ses promesses, nous allons faire une paire d'amis. Olympe, le champagne. 2 coupes plus tard, assise sur les genoux de l'homme qui m'avait choisi, je riais trop fort, saisie d'une excitation peureuse au contact de la verge qui durcissait contre mes fesses. Plantée entre les fenêtres, la jolie brune, dont je savais à présent qu'elle se nommait Fanny, écartait un rideau, inspectait la rue grise. Fanny, combien de fois faudra-t-il te seriner de laisser les rideaux en paix? A jeté Olympe avec colère. Avec ça, pour le monde intéressant qui passe. Elle s'est radoucie pour inviter Antoine à passer aux choses sérieuses. Coco, une rousse aux yeux empâtés d'un fard du même vert que la robe qui moulait des appas généreux, affectait de traiter Antoine en bien personnel. Lapant le fond de sa coupe, elle l'a interpellé. Je viens aussi? Coco, voyons! Les bras écartés, il lui a expliqué qu'une première passe réclamait l'intimité, surtout avec une fille aussi jeune. Acquiescement contraint de Coco, regard biaisé de l'une à l'autre. Allais-je dès mon premier jour dans la maison me faire une ennemie d'une ancienne? Elle a souri. Allez, amusez-vous bien. Une grande chambre, carrée, tapissée d'un papier bouton d'or imitant le velours, l'inévitable amoncellement de pouffes, fauteuils, sellettes, dentelles et guéridons. Entre les rideaux de soie vert amande, un fil de jour tombait d'aplomb. Il s'est évanoui dans les clartés roses des lampes en pâte de verre. Sur un lit à colonnes, des coussins en tapisserie aux couleurs criardes s'accotaient à des oreillers qui ressemblaient à des nuages. A-t-il grogné en chassant d'un revers de main un chat aux yeux bigles. Les ouvrages d'Olympe. Je ne comprendrai jamais pourquoi elle nous impose ces horreurs. Il a tapoté le matelas, repris avec un clin d'œil dans ma direction. Viens donc un peu par ici, toi. Je me suis assise près de lui. Le moment crucial approchait. Et parce que je ne savais comment me tenir, j'ai regardé en l'air, troublée de découvrir mon image dans un grand miroir fixé au plafond. Mais ma parole, elle rougit. C'est donc vrai, c'est une première. Bien, bien, si tu enlevais ta robe. J'ai obéi, sans tout à fait maîtriser le tremblement de mes doigts. La lingerie de satin ivoire, choisie dans le magasin recommandé par Olympe, veloutait ma peau. Mes seins pigeonnaient avec une arrogance charmante dans le balconnet. Les bas paraient mes jambes de reflets nacrés. Le string, étoilé de strass, me faisait un cul d'enfer. Rassurée sur mon allure, j'ai laissé les doigts d'Antoine errer sur mes jambes, mes fesses, écarté l'entrejambe de la culotte pour aventurer un index dans mon vagin. Une brûlante nuance cerise couvrait son visage. Ses yeux luisaient, pareils à ceux du matou de ma tante à la saison des amours. J'avais eu des flirts, des aventures, mais jamais un homme ne m'avait contemplé avec ce désir à donner le frisson. Tu vas être gentille avec moi? Bien sûr. J'étais sincère, émoustillée par l'envie de découvrir et peut-être dépasser mes limites. avec sa moustache à la Zorro, sa bedaine de sergent Garcia et les relents d'alcool et de cigares qui collaient à sa peau, Antoine Bernadieu n'était pas attirant. S'il s'était risqué à m'offrir un verre dans un bar, je l'aurais envoyé sur les roses. Mais dans cet endroit louche, c'était une volupté de me soumettre au cérémonial qui m'avait fait fantasmer. La présentation, le choix, puis le sexe brut dans l'oubli de la vie quotidienne. J'ai dégrafé mon soutien-gorge. Appuyé à l'épaule d'Antoine qui émettait un sifflement, j'ai roulé mes bas en lançant un regard au miroir du plafond. J'y découvrais mes seins sous un angle inédit, leur galbe. Les tétons bruns roses qui paraissaient plus longs et charnus me troublaient. Le triangle de satin gonflé de poils me troublait aussi, comme me troublait la silhouette de l'homme à l'arrière-plan. Donne tes nichons, a-t-il soufflé en posant un baiser sur ma nuque. Je me suis tournée, heureuse de les offrir, enivrée par une rafale de baisers, de morsures et de succions. D'une poussée, il m'a étendue sur la courte pointe de satin rose. Je me suis cambrée pour qu'il puisse faire glisser le string, placer un des horribles coussins sous mes reins. Il n'avait pas pris le temps de quitter caleçon et chaussettes, mais j'étais trop excitée pour le trouver ridicule. Écartant plus largement mes jambes, il a approché de mon ventre un visage qui virait au violet, le nez collé à ma vulve. Il a léché mon clitoris et le trou de mon cul avec la lenteur, l'attention que l'on porte à une friandise de choix. Je ne bougeais plus, attentive à une partie de mon corps que je connaissais mal. En dépit des incitations de ma meilleure amie, je ne m'étais jamais accroupie sur un miroir pour traquer les détails de mon intimité. C'est tout juste si je savais qu'un tendre morceau de chair sépia s'abritait derrière ma toison. Cette absence de curiosité semblait incompréhensible à Rosine, archaïque, presque scandaleuse, mais j'avais une bonne raison de me voiler la face. Je craignais de trouver ça repoussant. Sous les caresses, le dessin des grandes lèvres, la délicatesse des petites, la fermeté dérisoire du clitoris, toute la fragilité émouvante d'une chair ignorée me devenait intelligible. C'était excitant. Un tressaillement m'a parcouru lorsque la langue s'est fixée sur le bouton, frétillante comme un petit poisson jeté hors de l'eau. J'avais fermé les yeux. À l'approche du plaisir, je les ai rouverts pour contempler au miroir verdissant mon corps écartelé sur le satin rose. Entre mes cuisses, la tête de l'homme qui avait payé pour m'avoir oscillait, incongrue, obscène. L'orgasme m'a roulé dans ses ondes chaudes. Une jouissance intense dans sa nouveauté, sans commune mesure avec ce que j'avais éprouvé dans les bras de mes jeunes amants, du champagne après le mousseux. Souffle court, j'ai offert un sourire à Antoine qui se redressait, le visage luisant de mouille et de la fierté du devoir accompli. T'as aimé, hein? On a beau dire que les hommes sont des bêtes, on sait quand même celles qui friment et les autres. Maintenant, c'est à toi de me gâter. Je suis tombée sur le tapis en récapitulant les recommandations d'Olympe. Lorsque vous sucez un homme, vous devez donner l'impression que vous adorez ça. Personnellement, ce ne fut jamais mon hors-d'œuvre favori, mais il y a des femmes qui en raffolent. Si vous en êtes, tant mieux, parce que c'est un bon levier de pouvoir. Sinon, donnez le change. Ouvrir les cuisses en attendant que ça passe est à la portée de la première femme venue. Les hommes qui fréquentent chez moi viennent chercher une cuisine plus épicée que celle que l'on sert dans leur ménage. Je suppose que vous avez l'habitude de la fellation. Non. Mon niveau valait celui de mes petits copains en matière de cunnilingus. Nous étions trop jeunes pour attacher au préliminaire l'attention qu'il mérite. Un baiser, une caresse, suffisaient à nous ouvrir les portes d'une jouissance rapide, d'autant plus satisfaisante qu'après une courte pause, nous remettions le couvert. Craignant d'être recalé, j'avais menti. Prétendu maîtriser une technique dont j'ignorais presque tout, me dédouanant d'un on verra bien insouciant. Et voilà que j'étais agenouillée entre les cuisses d'un homme qui avait plus du double de mon âge, étonnée à la vue de la verge dressée dans une broussaille de poils grisonnantes, des couilles striées de filaments rouges. C'était une bite assez modeste. Une chance, car l'avalée ne fut pas si facile. Heureusement, stimulé par l'atmosphère, j'ai trouvé d'instinct les bons gestes sur le rythme approprié. Oui, lâchait-il dans un feulement. Lèche, masse les couilles, oh, tu es doué, branle-moi. J'ai obéi, frottant mes bouts de sein à ses courtes cuisses, excité de sentir que son plaisir dépendait de ma langue, de la gorge dans laquelle il s'enfonçait sans plus m'arracher un hoquet. Je vais gicler sur tes nichons, non, entre tes fesses, et après, je te nettoierai le cul. Fouetté par ses obscénités, j'ai sauté sur le lit pour offrir la partie la plus confidentielle de mon intimité. Crainte, pudeur avaient sombré. Mon crâne ne résonnait plus que des battements d'un cœur affolé. Pour recevoir les giclées de sperme, j'ai écarté mes fesses à deux mains, frémis au contact de la langue qui balayait mon derrière avec l'enthousiasme d'un chien heureux de retrouver son maître. Sans quitter mon cul qu'il semblait vouloir dévorer, Antoine branlait mon clitoris. Une nouvelle vague de plaisir, j'ai crié. Penché sur moi, l'homme qui m'avait fait jouir épiait avidement les spasmes de mon visage. En quittant la salle de bain, il a lancé « Félice, c'est un nom de guerre, hein? » Olympe m'a recommandé la prudence. Elle a raison, mais je suis un type de tout repos. Nous allons nous revoir. J'aimerais connaître ton prénom. Gwendoline. Tu sais quoi, Gwendoline? La prochaine fois, je t'emmène déjeuner au bord de la mer. Après quoi, je te baise à fond. Aujourd'hui, tu m'avais trop chauffé. Je l'ai laissé me donner un baiser sur le front, ouvrir puis refermer la porte dans un ultime clin d'œil. Olympe devait m'attendre dans le boudoir où, sans doute, il lui faisait son rapport. Ou pas. Il avait paru pressé. Peut-être un rendez-vous d'affaires? Les lampes éteintes, le fil de jour tremblait à nouveau entre les rideaux. Je songeais que de l'autre côté de la rue, dans un autre monde, la roulette du docteur Dutilleul torturait un malheureux. Tout cela était-il réel? N'allais-je pas me réveiller des larmes de frustration sous les paupières? J'ai collé sous mon nez le drap qui sentait la sueur et le sexe. Je ne rêvais pas. J'avais 21 ans et je venais de faire ma première passe. Voilà, c'était donc le premier extrait que j'ai choisi de vous lire du roman porno de Carmen Ritz qui s'appelle La salle d'attente. La salle d'attente ou le récit de la prostitution volontaire de Gwendoline, une jeune femme de 21 ans qui n'a même pas besoin d'argent pour... C'est pas par besoin d'argent qu'elle se prostitue, c'est par désir et pour satisfaire un fantasme. Parce que... Malgré tout ce qu'on peut entendre de la part des abolitionnistes qui luttent bec et ongles contre la prostitution, il y a des femmes pour qui se prostituer est un réel fantasme en fait, est une réelle envie. Parce qu'il y a à la fois l'excitation du sexe brut, du sexe où il n'y a pas de lendemain, et puis du sexe contrat, avec la notion d'argent qui fait partie de l'excitation, parce qu'il y a une excitation à savoir qu'on est payé pour être baisé. Et on peut imaginer ça être dégradant, mais on peut aussi le voir comme quelque chose au contraire de gratifiant, puisque je te désire tellement que je suis prêt à payer pour t'avoir, je suis prêt à payer pour avoir la chance de pouvoir t'embrasser, te lécher, te baiser. Alors, évidemment, soyons très clairs, hein, la prostitution, c'est pas forcément tous les jours tout rose. C'est un métier difficile, c'est un métier dangereux aussi. Et surtout, le gros problème qu'il y a avec la prostitution, c'est pas la prostitution en fait. Parce que des femmes et des hommes, il faut se rappeler que dans la prostitution, je crois qu'il y a quelque chose comme 25% de prostitution masculine. On n'en parle jamais, mais elle existe. Mais le problème, c'est pas la prostitution volontaire, puisque c'est un choix. Le problème, c'est le trafic d'êtres humains et c'est les femmes et les hommes qui sont forcés à se prostituer contre leur gré. Ça, c'est un vrai et grave problème. Mais c'est un problème qui relève non pas de la prostitution, mais de la traite d'humains, de l'esclavagisme. C'est surtout ça le problème en fait. Après, la prostitution est clivante. Je ne sais pas vous, quelle est votre position par rapport à ça. Pour moi, c'est un métier comme un autre qui n'a rien ni de sale ni de dégradant et qui, au contraire, est d'utilité publique. D'ailleurs, je serais quand même assez mal placée pour dire le contraire, étant donné que une partie de mon activité, c'est d'être camgirl. Et être camgirl, c'est ni plus ni moins que de la prostitution virtuelle. Il n'y a jamais aucun contact, cela s'entend. Mais enfin, le but, c'est quand même de satisfaire un désir, un fantasme contre rémunération. Ben moi, j'aimerais bien savoir ce que vous, vous pensez de la prostitution. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà fait fantasmer, que vous soyez homme ou femme, aussi bien en tant que personne qui se prostitue qu'en tant que client ou cliente? Parce que ça peut aussi être un gros fantasme, le fait de payer pour avoir du sexe. Eh oui, l'argent peut faire partie des éléments de fantasme et des éléments de désir, en fait. Donc, ben, j'ai hâte d'en savoir plus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous pensez de la prostitution. Est-ce que pour vous, c'est un élément qui peut être un élément de fantasme? J'ai hâte d'en savoir plus. Eh bien, écoutez, cette lecture érotique touche à sa fin. Vous aurez très bientôt un nouvel extrait de La salle d'attente de Carmen Ritz, paru aux éditions Media Mille dans la collection Les érotiques d'Esparbeck, je vous le rappelle, sur mon site charlie-liveshow.com. Là, vous pourrez laisser tous les commentaires que vous voulez pour répondre aux questions que je vous ai posées. J'attends vos réponses, attention, hein. Et puis, non, mais vraiment, c'est chouette. Ça permet d'avoir un espace d'échange, d'ouverture. Et je suis très heureuse quand il y a des commentaires et que je peux échanger avec vous. Sur mon site, vous trouverez aussi le lien du coup pour vous procurer ce roman de Carmen Ritz. Je crois qu'il est en rupture de stock en version papier sur le site de la Musardine. Par contre, il est disponible en version numérique. Donc, c'est toujours possible de le lire. Et c'est ben voilà, vous avez découvert l'écriture, donc c'est plutôt bien écrit, c'est fluide. Je trouve intéressant cette description de la vie de Gwendoline qui découvre la prostitution. Je vous choisirai un passage qui change pour la prochaine fois, un autre pan de la prostitution qu'elle découvre. Et sur mon site, vous trouverez également le lien pour soutenir ce podcast en devenant Patreon. Parce que bah, si vous aimez ce podcast, si vous aimez que je vous lise des extraits de livres érotiques, n'hésitez pas à me soutenir sur Patreon. C'est quand même le meilleur moyen de me montrer votre engouement pour ce podcast et puis de m'encourager et de me permettre de dégager de plus en plus de temps pour vous faire des lectures. Bah, parce que ça prend du temps et qu'à un moment donné, le temps pris n'est pas un temps où je peux moins gagner de l'argent. Donc, le temps, c'est de l'argent et donc votre soutien est essentiel. Vous avez compris? Bon, voilà, je vous laisse faire l'addition. Patreon.com/charlieliveshow, sinon vous avez partout sur mon site charlie-liveshow.com le lien pour devenir Patreon. En plus, pour tous les Patreons, vous avez les lectures en avant-première, des petits bonus exclusifs, que ce soit des bonus audio ou photo. Voilà. Eh bien, vous savez tout. Je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de matinée. Je ne sais pas du tout quand est-ce que vous écoutez ce podcast, mais je suis ravie d'être, de m'être invitée dans vos écouteurs ou dans les enceintes de votre salon, que sais-je. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures érotiques. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.